Alors, donc, ce matin, dans la presse, ouais, c'est pas compliqué. Hyper compliqué. Hyper on va aux hommes citoyens formés. Ça va. Merci, Alex. Merci, les patriotes. Ah, parce que monsieur est patriote français. Ah oui, aujourd'hui, on est tous français. Oui, c'est bon, mais où ton drapeau? Alors, oui, pour le drapeau. Non, alors, c'est pas un drapeau français. Oui, je sais, mais il n'y en avait plus en vente. Alors, j'ai pris le drapeau des Pays-Bas, voilà. Il est beau, le patriotisme. Mais oui, mais c'est bleu, blanc, rouge, c'est bon, quoi. Et en 42, ton grand-père a fait pareil avec le drapeau allemand. Pourquoi il dit ça? Bah, parce que c'est noir, jaune, rouge, c'est bon. Point Godwin, non, mais ça va pas. Tu peux pas laisser dire ça. Ça va, calmez-vous, c'est une journée de paix aujourd'hui. Okay. Hein, voilà, il faut travailler, on reçoit Jérémy Elkaïm. Oh, wow. C'est vraiment une journée dommage. Ah bah pourquoi? Parce que c'est dommage, parce que vous allez toutes le regarder comme ça, là. Bah ouais, ouais, bah, il va être comme dans ses films. Ah bah, et comment Genre, excusez-moi, je suis hypersensible, je suis à fleur de peau. Ah oui, ah bah, c'est touchant. Ah ouais, je vais vous parler de ma conception de l'amour, de la souffrance. Ouais. C'est beau, non, non, c'est pas beau, il veut juste pécho. Bah, et alors, mais, alors mais vous êtes naïves, les filles. Oui, et si on a envie d'être naïve? Eh ben, c'est pas patriote, voilà. Ah bon? Ah non, un jour dommage à la nation, vous allez vous laisser compter par le premier envahisseur venu. Mais t'es jaloux, mais en fait. Mais c'est pas jaloux. Mais non, mais non. Mais c'est juste, je vous explique. Il fait pas de différence entre les femmes, ce type-là. Ouais, ah. Bah comme toi avec les drapeaux. Pardon, mais vous ne voulez pas comprendre, et puis oui, c'est tout. Oui, bah c'est ça, on veut pas comprendre. Oui, eh bien, elle est belle, la France. Contre nous de la tyrannie. Oh, non, ça va, je suis désolée, mais c'est très patriotique ce qu'on va faire. De quoi? Se laisser séduire par l'esprit français. Oh, ah oui. Bonjour la France Inter, bonjour l'esprit français, bonjour à tous. Concentrez-vous. Vous écoutez l'émission qui découpe l'actualité comme un rôti, c'est aussi ça l'esprit français. Et voici les trois informations qui finiront en rondelle à 18h. Face à l'adversité, une dream team se dégage du gouvernement, le trio Valls, Le Drian, Cazeneuve. Trois lames flexibles qui s'adaptent de façon unique à tous les contours pour un confort optimal, sur tous les angles. Les aristocrates, ils ne représentent que 0,2% de la population française, mais les noms de ces 3000 familles trustent le monde des affaires, le luxe ou une marque de pâté. Et oui, Barry ou Dubarry, rien à voir. Ah bon, j'ai toujours connu Jacquard, s'appelant Jacquard. À moins qu'il ait changé son nom pour faire plus marque. Jennifer Lawrence, elle se pose là, en égérie anti-macho du cinéma. Elle pense que le féminisme devrait être la priorité de toutes les femmes. L'idée est que nous travaillons ensemble, d'égal à égal. On en reparlera quand il faut rapporter quelque chose de lourd. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui dit qu'il est jamais en tort quand il provoque un accrochage. C'est sa part de féminité. C'est Alex Vizorek. Mais elle est immense et vous le savez très bien. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui autour de la table, une belle équipe à 17h20, notre jukebox de France Inter. Mais elle ne diffuse que des disques qui n'ont jamais eu la chance de se retrouver un jour dans un jukebox. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Absolument faux. Alors, j'ai appris dernièrement dans un livre très sérieux que l'animal totem des Mélanie, c'était le boa. J'ai donc bien pris le temps de digérer la playlist de France Inter pour la partager avec vous, vous avez eu peur. Non, mais... Le mot du jour, c'est corporate. Très bien, à 17h30, l'homme qui connaît tout en sport, depuis l'invention antique des Jeux Olympiques jusqu'à l'utilisation des Priapic sextape. Yes. C'est Samir Bouadi. Salut Alex, salut Charline, salut à tous et à toutes. Moi je vais vous parler une nouvelle fois de films faits à la maison, justement, de la très mauvaise influence aussi de John Cassavetes, le réalisateur de Femmes sous influence, que celui-ci a eu toutes ces générations de jeunes footballeurs. Quoi. Et à 17h40, celui qui s'est inspiré de nombreux politiques, puisque quand on lui propose de parler d'un sujet, il entame immédiatement une brillante réponse sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir. C'est Hippolyte Girardot, bonjour. Bonjour Alex, bonjour Charles. Vous vous trompez totalement. Aujourd'hui, je fais une chronique très patriotique, justement. Mais j'ai un ennemi, Birkenstock. Vous êtes presque dans le thème. À 17h55, celui que vous aimez pour deux raisons, ses chansons et le fait qu'après l'avoir entendu, on est tous en week-end. Ce sera Frédéric Fromet. Allez, le référent de la République qui a accepté de présider cette émission est né sous Giscard. Vous êtes juré junior au Festival de Cannes en 94, c'est l'année de naissance de Justin Bieber. Hey. Vous apparaissez pour la première fois au cinéma dans un court-métrage de François Ozon en 98, c'est l'année où Jean-Paul II rend visite à Fidel Castro. Et vous présentez à Cannes La guerre est déclarée de Valérie Donzelli et Police de Maïwenn en 2011, c'est le début de l'intervention en Libye. Et vous, vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, mais on a presque deviné. Vous voulez dire comment je m'appelle, c'est ça? Oui, comment je m'appelle? Je suis Jérémy Elkaïm, un garçon plutôt monotone. Monogame, enfin, suite à ce que vous dites. Moi, je suis prêt à laisser le doute. On va là. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Enfin, s'il faut le préciser qu'on est monogame, c'est qu'il y a un doute. Hein. Excusez-moi, c'est pas le premier truc qu'on dit en croisant les gens. Je pense que je sais pourquoi il le précise, parce que le sujet du film qu'il vient nous présenter est sulfureux. Ah oui, c'est l'amour fou. Enfin, en tout cas, je crois à l'amour. Je crois à l'amour fou monogame avec une succession de monogamie, si vous voulez. Peut-être s'entendre là-dessus. C'est une vision des choses. Jérémy El Khaïm, le film de Valérie Donzelli qui sort mercredi prochain s'appelle Marguerite et Julien. Vous êtes Julien, Marguerite c'est Anaïs de Moustier. L'histoire vraie, mais aussi entretenue par la légende au fil des siècles, la légende de Marguerite et Julien de Ravalet, un frère et une sœur tout à fait fusionnels depuis l'enfance, à tel point que cette fusion se transforme même en passion amoureuse quand vient l'adolescence. Un frère et sœur et couple banni de la société jusqu'à une condamnation à mort pour inceste, je ne dévoile rien. Pas pour inceste, c'est d'ailleurs assez particulier, c'est un des trucs que nous on a découvert en faisant le film, c'est que c'est pour adultère. Ah oui, condamner. C'est juste. C'est pas pour inceste. L'inceste, déjà à l'époque, n'était pas interdit. Et encore aujourd'hui, enfin, on a fait des recherches, mais je crois qu'aucune loi interdit un frère et une sœur de s'aimer. Ah bah tant mieux, c'est bien, ouf. Salut les gens du Nord, bien entendu. Et pourtant, c'est le fait qu'ils soient frères et sœurs, quand même, qu'il est banni de la société. En tout cas, oui, ça jette l'opprobre sur eux, ça c'est sûr. Voilà. D'après un scénario originellement de Jean Gruau, écrit pour François Truffaut. Oui. C'est l'histoire de ce film. Voilà. Un peu particulier, un scénario un peu maudit, qui était resté dans les tiroirs pendant des années, et qui était écrit effectivement pour François Truffaut. En fait, il l'accompagnait pendant le tournage des Deux Anglaises et le Continent et la région de Marguerite et Julien de Ravalet. Ils avaient eu l'histoire, ils se sont dit que ça pouvait être l'occasion de faire un beau film. Quand ils l'ont proposé à François Truffaut, lui trouvait à l'époque le sujet un peu trop à la mode dans les années 70, un peu libéral où des films se faisaient sur l'inceste. L'inceste était à la mode. Non, le sujet. Non, mais c'est vrai. En tout cas, voilà pourquoi le projet a été abandonné. Beaucoup de gens ont essayé de l'adapter, ont demandé à Gruau et les projets, je vous le dis, ont été refusés. Et je ne sais pas pourquoi le nôtre a été accepté auprès de Gruau. Et il est question d'un romantisme torride et d'une belle histoire d'amour plutôt que d'un fait divers. Le fait divers arrive bien sûr à la fin du film. Oui, disons qu'en tout cas, on n'avait pas envie de faire un film à thèse, enfin d'avoir un sujet de société qui était traité par le film. C'était pas ça du tout l'enjeu. L'enjeu, c'était plus de faire effectivement un film romanesque, un grand film romanesque. Moi, j'ai toujours le sentiment, quand je travaille au scénario avec Valérie, que le scénario, c'est un peu faire comme une liste de courses, des choses qu'on a envie de faire, des trucs qu'on aura envie de fabriquer, des risques qu'on aura envie de prendre. Là, il y a pas mal de risques qui ont été pris dans le film, d'un point de vue du cinéma. Sur la forme, tout à fait. Sur la forme. Oui. Et en fait, ce qu'on s'est dit, effectivement, c'est que c'était l'occasion de faire un film sur les sujets qui touchent particulièrement Valérie. L'amour fusionnel, quand il nous tombe dessus et qu'on ne peut pas l'éviter. Hippolyte Girardot, vous avez vu le film et vous m'avez parlé des commentaires de Truffaut sur le scénario de Gruau qu'on peut voir, qui sont disponibles. Oui, il y a un site qui s'appelle l'écriture à quatre mains plus Truffaut et on voit effectivement quelques extraits du scénario que Gruau a mis dessus avec les notes, les commentaires de Truffaut. C'est assez intéressant parce qu'on voit vraiment comment Truffaut travaille. Évidemment, pour lui, rien n'existe sauf une scène ou trois scènes ou quatre scènes. Jamais un sentiment n'existe sans une scène pour le raconter, c'est vachement intéressant. Et je trouve que dans l'adaptation qu'ils ont faite, Jérémy et Valérie, puisqu'ils ont travaillé ensemble, il y a ce côté truffaldien, je trouve, où les personnages bougent tout le temps. Ils n'arrêtent pas de courir, ils se cachent, ils montent les escaliers, ils descendent, ils montent à cheval, ils repartent. Elle se déguise en homme pour pouvoir échapper à la société. Et en fait, ça raconte un sentiment. Effectivement, les scènes racontent des sentiments. Et c'est nous-mêmes qui projetons finalement notre propre psyché sur les personnages. Et ça, c'est vraiment, c'est très truffaldien par rapport à ça. Donc un bel hommage à Truffaut. Très réussi. Très réussi. Sur l'hommage, nous, je sais pas. Enfin, ça m'intéresse vraiment ce que vous dites, mais je sais qu'en tout cas, nous, ce qu'on s'était dit, c'était que la course, c'est très juste. C'est un film qui ne cesse de courir, et les films de Valérie sont des films dans lesquels on court, et les personnages ne cessent de courir. Et il y a quelque chose de cet ordre-là, et qui est un peu étrange, qui probablement crée, parce qu'il est désarçonnant malgré tout le film. Il faut le dire qu'il est singulier c'était à la fois nous une décision qu'on avait, c'était de prendre un risque. Faire un film, c'est l'occasion tout d'un coup d'essayer des choses pour nous. Oui, parce qu'il y a une forme de fantaisie un peu débridée aussi, malgré le sujet. En tout cas, c'est un film très dense et il est presque sous la forme d'un conte. Il a presque une distanciation parce que c'est comme si on tournait un livre d'images et qu'on nous racontait. On ne se pose pas beaucoup. C'est un film dans lequel on n'a pas... toutes les habitudes de spectateurs qu'on pourrait avoir sont un peu dérangées. Il a un premier degré qui est presque le premier degré des épisodes de Candy. Ou le Vendée. Ou la, amour. Ouais, ouais, bah, non, parce que je trouve ça amusant, en fait. C'est un épisode de Candide de 1h40 avec des acteurs, avec un peu plus de moyens. Et qui traite de l'inceste. Moi, ça peut me rendre dingue. Mais je vous le conseille. Non, je rigole, mais c'est un peu vrai. Il y a ce truc, en tout cas, des grands sentiments, du grand premier degré, qui peut parfois laisser un peu à côté, mais qui peut aussi emporter. Et puis d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure de ce film, parce qu'on a un sujet sur l'aristocratie, et ça se passe dans le milieu de l'aristocratie. Il y a des anachronismes volontaires dans le film. Finalement, l'aristocratie n'est-elle pas elle-même anachronique aujourd'hui ? On en débattra, bien sûr, c'est une émission d'information. Si tu écoutes, j'annule tout, avec Jérémy El-Kaïm. Hey. Send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. Don't do right. Oh, play boy. See me in misery. Come on, baby, see about me now. Yeah. Hey, hey, all right. See the girl with the red dress on. She can do the burlet all night long. Yeah, yeah. What I say. Charles sur France Inter en compagnie de Jérémy El-Kaïm. Le film de Valérie Donzelli, Marguerite et Julien sort mercredi prochain en salle. On y voit bien sûr Jérémy El-Kaïm qui est Julien avec Anaïs de Moustier qui est Marguerite. Et autour de la table, nous avons par ordre d'apparition Mélanie Bauer, Samir Bouadi et Hippolyte Girardot. Et puis la France a le droit de savoir, bien sûr. La terre tourne, c'est l'heure des informations radiophoniques. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Laurent Fabius a annoncé ce matin que la France pourrait s'allier à Bachar el-Assad d'un point de vue militaire. Bachar el-Assad se réjouit d'avoir de l'aide pour mater les rébellions. Mais non, c'est pour combattre Daesh, Alex. Ah, pardon, je me disais aussi. Michel Onfray refuse de sortir son nouvel ouvrage qui traite de l'islam. On le félicite de l'avoir lu avant et d'avoir pris cette décision. Mais non, enfin, c'est pour éviter d'attiser les tensions, Alex. Ah, pardon, je me disais aussi. Et enfin, il n'y aura ni brève, ni étude débile. Ah, c'est vrai ? Mais non ! Ah, je me disais aussi. Allez, hop. Ah, vous êtes calé. On a bossé. On commence par la diplomatie. Oui, le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a pour la première fois envisagé vendredi que des forces du régime syrien de Bachar el-Assad puissent être associées à la lutte contre Daesh. Ah, mais c'est ça la vraie différence entre la gauche et la droite. Pardon ? Eh bien, Sarkozy, il a fait ami avec Kadhafi d'abord, puis il lui a fait la guerre. Uh-huh. Hollande, il a fait d'abord ennemi avec Bachar, et maintenant il va faire la guerre avec lui. C'est beau, la gauche. Alors, suite à l'état d'urgence, la France a informé le Conseil de l'Europe qu'elle pourrait déroger à la Convention des droits de l'homme. Ah, donc si on comprend bien, pour combattre les adversaires des droits de l'homme, on va nous-mêmes déroger aux droits de l'homme. Oui, mais nous au moins on prévient avant. Oui, c'est voilà. Une bonne chose. Voilà. Culture. Michel Onfray renonce à publier en France son essai sur l'islam. Et c'est peut-être tant mieux. L'islam n'a pas besoin d'être une nouvelle fois mal interprété. Passons au sport avec l'affaire de la sextape. Oui, c'est du sport aussi, hein, la sextape. Mathieu Valbuena parle pour la première fois. Oui, il dit, je cite, j'ai l'impression de me faire prendre pour un con. Eh ben qu'on ne dise plus jamais que les footballeurs sont bêtes. Sport toujours. Aujourd'hui, c'est la finale de la Coupe Davis entre la Belgique et l'Angleterre. Oui, une finale qui se déroule à Gand, en Flandre. Et ce matin, sur le site du journal Le Monde, on pouvait lire ce titre, à 50 km de Molenbeek, la finale de la Coupe Davis. Et est-ce qu'ils savent au Monde que la cérémonie d'hommage aux victimes de ce matin n'a eu lieu qu'à 4 km de Saint-Denis ? Passons à une étude dont vous avez le secret, Alex. Oui, à deux jours de la COP 21, on apprend que le réchauffement climatique pourrait avoir des conséquences inattendues. Ah, sur la libido. Ah. Une étude américaine prouve qu'après une journée particulièrement chaude, donc de plus de 26 degrés, le taux de natalité a tendance à diminuer de 0,7% par rapport à une journée plus fraîche, un pourcentage qui représente jusqu'à 1000 bébés de moins par journée de grande chaleur. Ah, mais donc ça peut être une solution pour la surpopulation. Donc. Doublement, puisqu'à partir de 26 degrés, on est presque en canicule, donc en plus de limiter les jeunes, on perd des vieux, c'est nickel. Société toujours, avec les solutions bien sûr d'Alex Vizorek, oui. Et un article de l'AFP justement qui revient sur les prénoms étranges donnés à des enfants en France. Oui, depuis 93, le choix des prénoms, avant 93, le choix des prénoms était contrôlé. Et maintenant, on laisse plus de place à la créativité des parents. Ah, vous avez des exemples. J'ai des exemples véridiques. Athéna Shiroki, avec un tiret au milieu. Kiss Me, en un mot. Et mon préféré, Aboubakar Jacky. Ah. Aboubakar Jacky. On sent le couple de parents mix qui n'est absolument pas arrivé à tomber d'accord. Et bon, si le petit veut faire la politique, qui c'est qui va voter pour Aboubakar Jacky? Notez que déjà Jacky tout seul. Déjà Jacky tout seul, c'est pas faux. Et puis bon, il y en a bien qui votent pour Jean-Vincent. Comment s'appelait Jean Rachid? Ça devait être un ami à Aboubakar Jacky. Et si vous avez aimé, si vous aimez Alex Vizorek, si vous aimez l'art aussi, vous serez à Mainvilliers près de Chartres. Bien sûr, il faut visiter la France. Samedi, Mainvilliers voilà. Près de Chartres. Et puis lundi et mardi au studio des Champs-Élysées. Dimanche et lundi à Paris. Si vous venez les mardis, il ne sera pas là. Mais sortez quand même, il faut sortir. Oui, allez au cinéma. Allez au cinéma, voir Jérémy El Kaïm et Anaïs de Moustier dans le film de Valérie Donzelli, Marguerite et Julien. Quelle bonne idée, oui. Mais oui, il sort mercredi prochain. Et allez-y deux fois. Oh, il faut y aller deux fois. Le film est dense, il y a multiples formes et tout ça. Vraiment, c'est passionnant. Allez-y une fois pour le fond et une fois pour la forme. Voilà, exactement. Allez, vous nous accompagnez jusqu'à 18h. Enfin, on espère. On verra si vous restez après ce premier sujet. Valls, Le Drian et Cazeneuve, le trio constitue un petit peu la Ligue 1 du gouvernement, selon le journal L'Opinion. Vu le contexte, si on ajoute Hollande, on n'est pas loin des mousquetaires. À moins que Hollande, Valls, Le Drian, Cazeneuve forment une autre équipée. Joe Dassin, Jérémy El Kaïm, vous pourriez travailler pour cette émission parce qu'on y a pensé ce matin. Ah oui, on a cherché des sons sur Riri, Fifi et Loulou. Riri, Fifi et Loulou, on les sent là. En tout cas, sur la photo, c'est indéniable. C'est-à-dire que quand vous entendez dire Valls, Le Drian, Cazeneuve, les trois fines lames, la Ligue 1 du gouvernement, la Dream Team, si vous me dites Riri, Fifi et Loulou, c'est que vous ne trouvez pas tout à fait ça crédible. Non, c'est un peu plus compliqué. Là, oui, là dans la période, évidemment, qu'on a à la fois du respect, et on a le désir de plutôt les valoriser. Moi, j'ai plutôt tendance, c'est moins drôle, rigolo, tout ça, à considérer que c'est des métiers que les profanes comme moi ne comprennent pas tout à fait, mm-hmm. et que je leur laisse. Et j'ai des opinions, évidemment, mais pour autant, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Et puis le contexte fait l'homme. Oui, donc... c'est vrai, oui, bien sûr. Oui. On sent qu'il gagne en dimension, si c'est ça que vous voulez dire, oui. Indéniablement. Oui. Oui. Et puis, François Hollande, est-ce que vous avez regardé un petit peu la façon dont il réagissait après les attentats ou dans ses discours? Est-ce que vous lui trouvez, comme le dit la presse souvent, il y a un côté martial chef de guerre qui est peut-être inattendu quand on voit Hollande, mais c'est vrai qu'il s'est pris au jeu. Et aussi une dose d'affect et d'émotion, c'est-à-dire que vous vous reconnaissez dans ce président. En fait, moi, j'ai quand même un truc sur la manière de vivre les actualités. Là, elle est immense, les événements sont ce qu'ils sont, et du coup, ils nous bouleversent tous. Mais je trouve qu'il y a quand même un vrai problème dans le calendrier politique et le rapport des médias, des politiques et tout ça, qui est tout simplement qu'on ne peut dire des choses pertinentes, fortes et intelligentes qu'avec de la distance. Du coup, il y a une contradiction pour moi entre l'immédiat de devoir réagir comme ça sur le moment. Donc effectivement, c'est ce que vous dites, c'est très vite des émotions, c'est très vite une stature, et c'est ça qu'on attend de ces moments-là. Donc quand elles sont bien jouées, quand elles sont bien incarnées, bizarrement je trouve que c'est souvent le cas, enfin on les regarde, on se dit ah ben il était bon, ah il était mauvais. Je pense qu'il a plutôt été bon pendant cette période-là. Pour autant, moi la parole que je recherche en tant que citoyen, c'est plutôt une parole de distance qui va au contraire être une parole d'histoire, qui est la seule solution je pense pour essayer d'émettre une théorie, un point de vue, enfin quelque chose qui tienne un peu. Ceci étant dit, si je peux me permettre, on a l'impression qu'il ne joue plus. Et c'est peut-être parce qu'il ne joue plus qu'il est bon. Voilà. Les grands acteurs. Il y croit. Je crois que là, pour le coup, il n'y a plus de jeu du tout. Il a gagné en dimension, non, mais c'est sûr. Et voilà pour le regard du citoyen, Jérémy Elkaïm, parce que c'est le citoyen aussi qu'on cherche derrière le comédien et l'acteur, mais bien sûr, évidemment. Et puis, il y a aussi le fait que la culture est entrée dans la cour des Invalides. C'était assez étonnant, cette image. La cour des Invalides, qui est le côté martial par excellence, solennel, avec les voix d'Yael Naïm, Nolwenn Leroy ou Nathalie Dessay, qui contribue aussi à ce côté humain et ce qu'on attend, comme vous le disiez si bien, Jérémy Elkaïm. Et puis, pour terminer sur une note un peu rigolote... L'émission est terminée, déjà, on a fait vite. Non, c'est pour terminer sur ce sujet. Cette journée, voilà, et cette journée bleu, blanc, rouge, ce que le français préfère, c'est le rouge, ne l'oubliez pas. Ah, ben voilà. Continuons à résister en terrasse. Allez, c'est l'heure de Mélanie Bauer. Absolument. Vous êtes au blanc, vous. Je suis au blanc. L'Esprit d'Inter Corporate, la semaine dernière, est donc sortie la compilation L'Esprit d'Inter 4. Leçon de France Inter, qui est donc inter-essente, internationale et interactive, parce qu'on peut chanter avec elle. Vous lisez très très bien l'écriture de Didier Varro, dites donc, parce que c'est pas facile. Je conseille d'ailleurs la BO de Marissa, c'est une petite parenthèse, Marguerite et Julien, qui est composée par l'immense Yuxek, qui est un artiste de talent. Vous êtes donc un mélomane, Jérémy. Mais est-ce que vous êtes un bon auditeur de France Inter? Alors, c'est une bonne question, je ne suis pas sûr, vraiment. Ça veut dire non. Hein, Écoutez, je suis parfois branché c'est la même maison, mais plutôt sur France Culture, mais il m'arrive d'écouter France Inter aussi. Vous la pétez, donc. Voilà. Non, j'écoute des choses que je ne comprends pas, ce qui est différent. Alex, est-ce que vous connaissez les morceaux que vous passez à la radio? Parfois. J'ai reconnu Ray Charles tout à l'heure, ça va marcher ce truc-là. Charline, Samir, Hippolyte, est-ce que vous êtes corporate? Alors je crois, Tata Yo-Yo, on adore. Nous, corporate avec une certaine distance critique. Oui, voilà, exactement. Oui, voilà, comme vient de dire, Charline, exactement. Nous allons donc faire un blind test. Le premier morceau, c'est un rappeur qui fait l'unanimité, même chez les amateurs de pop. Il est né en 1990 dans les Alpes-Maritimes. Il est fan d'Oxmo Puccino. Il a fait partie du collectif L'Entourage. Il a vendu plus de 100 000 albums. Je suis devenu celui dont t'aurais rêvé, celui que je rêvais d'être. Tu me suis. J'attends. Hey. On peut danser, c'est déjà pas mal. Ça nous fait vibrer. Il est pas sur France Culture, ça vous l'avez entendu, Jérémy Elkaïm? J'ai pas entendu. Je l'ai jamais passé dans l'émission, ça m'aurait dit quelque chose. La production, elle est douce. Hein. Ouais. C'est vraiment... C'est du rap gentil. Ah, c'est Nekfeu, d'accord. C'est du rap chicos. C'est la spécialité. Autre genre, ils sont comme un hockey de l'histoire du rock français. Nouveau et pourtant si familier. Ils sont frères et sœurs, s'appellent Simone et Raoul. Elles chantent comme maman, ils jouent de la guitare comme papa, ils sont... Ah, ça c'est Minuit, voilà. Ouais, ah, les enfants d'Evita Mitsuko. Exactement. On écoute un peu quand même. Ouais. Lumière crue, lumière sang, flash, étrange sensation. Oh, rock, toujours avec un groupe qui a marqué l'Angleterre du nouveau millénaire. Leurs deux premiers disques étaient produits par Mick Jones des Clash. Ils ont eu des soucis avec la drogue. Ils se sont séparés, puis reformés, puis séparés, puis reformés. Les deux leaders sont devenus comédiens. Bon, ils sont toujours un peu musiciens. Il y en a un qui est sorti avec une top modèle. Il vit à Paris et il trouve que la vie de Melun est magnifique. Ah, oui. Ah. Ah, si, si. Pete Doherty, voilà. Ouais. Et le groupe c'est Les Libertines. Ouais. Bon, très très fort. Moi je n'aimerais pas être la culotte de Pete Doherty. Enfin, je dis personnellement, j'adore sa musique en revanche. Elle a fait scandale tout l'été. En disant que les chanteuses vulgaires américaines n'étaient pas féministes. C'est une fille d'eux, une sœur d'eux. Elle a quatre demi-sœurs. Elle a été, elle est aussi actrice et mannequin. Je suis sûre que vous la connaissez personnellement, Jérémy. Ah, elle oui, traîne oui. Un peu dans le centre de Paris, dans les mêmes endroits où vous traînez la nuit. Lou Doyon. Absolument. Ouais, ouais. Ouais. Bravo. Mais quel épanouissement dans la musique, Lou Doyon, ouais. N'empêche. Oui, pour vrai. De vrai. C'est vrai. Les deux albums, le ton, l'écriture. Ouais, qui sont très beaux. C'est une reconversion plus réussie qu'Yannick Noah. Ouais, mais elle joue mal au tennis. Hein. Oui, elle est nulle. Un peu plus pointu, c'est une toute jeune artiste, elle est née en 1992, elle a passé son adolescence au Congo, mais aussi Dubaï et Abu Dhabi. Elle a fait les premières parties des tournées d'une autre artiste de la compilation Christine and the Queens. Elle s'est fait connaître avec un hommage à Myriam Makeba, elle est... Et voilà. Bon, on se remet à danser du coup. On va perdre. On va perdre. On l'a déjà, ouais, déjà beaucoup entendu. Mais... C'est sur France Inter, c'est Jane. Ah, voilà. Mais bien sûr. Alors on pourrait jouer, longtemps, hein, puisqu'il y a 42 titres sur ces 10 de l'Esprit d'Inter. Numéro 4, il y a New Order, Les Fils du Calvaire, Alani, B.I., Bertrand Belin, Dominica, Jeanne Hadid, avec le très beau morceau Look at Them. On termine avec une perle de jeunesse et de fraîcheur. Si vous trouvez, on l'écoutera en entier. Elle est née à Londres en 1989, d'un père grec et d'une mère jamaïcaine. Elle a fait tourner la tête de Prince, qui ne jure que par elle. Son deuxième album Blood est sorti en septembre. Elle devait jouer mardi prochain au Bataclan, mais ce sera finalement le 21 mars au Casino de Paris. Un talent inné pour cette petite femme forte et douce. Elle est unstoppable. Elle est... Est-ce que ce serait pas par hasard, hein, mais je tente. Liane Lavas, ouais. Absolument. Oh, ouais, c'est le père grec qui l'a mis sur la planche. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'attention, beaucoup de temps passé à la programmation. Beaucoup de bassesse surtout. Heavy words, little lies, telling everything but the truth. The truth. Three little words over time, over. So I could spend it all. It's what you don't do, the games you don't play. this we need to show. I know what I got and I know where we're going. You don't need to show it, I already know it. All what you don't do is what you don't say. Oh, I know you love me, I don't need proof. It's what you don't do, the games you don't play. I know you love me, I don't need proof. Won't tell the whole world, just gonna be your girl. I know you love me, I don't need proof. It's what you don't do, it's what you don't say. Liane Lahavas, what you don't do. Don't do, ouais, absolument. Ah, c'est don't do, tout à fait. Ce que vous ne faites pas. Ce que vous ne faites pas. Un petit mot peut-être sur Youksek, sur cette BO. Ah, oui, eh ben, écoutez. La BO du film Marguerite et Julien. Je vais vous dire ce qui s'est passé. On réfléchissait, on voulait faire une musique originale. Jusqu'à maintenant, les précédents films qu'on a fait avec Valérie, on s'était dit, ben, on va trouver des musiques existantes, faire ce qu'on appelle des synchros. Et puis, on a eu envie de faire ces scores, faire une vraie musique pour le film. On trouvait que ça s'y prêtait, qu'il y avait cette ampleur. Et comme on était dans les anachronismes, les premiers anachronismes du film, je dirais, c'est la typo, déjà, du générique, qui paraît ne pas être du temps où l'histoire se passe. Et puis, la deuxième, c'était la musique. Mais en fait, progressivement, l'idée d'aller vers Youksek, c'est qu'on avait, dans La Guerre déclarée, mis un de ces morceaux à un moment clé, le moment où le personnage joué par Valérie Donzelli découvrait la maladie de leur fils. Et qui était un moment assez fort. Elle court à perdre haleine dans les couloirs de l'hôpital sur une musique électro très, très, très puissante, qui était un des morceaux du premier album de Youksek. Et puis, on s'était croisés plusieurs fois avec Youksek. On se disait, il faudrait vraiment qu'on travaille ensemble. Moi, je savais qu'il avait une formation classique. Il a lui-même un label à Reims. Enfin, c'est un garçon prolifique qui fait beaucoup beaucoup de choses et qui a beaucoup de talent. Et donc l'idée qu'il ait à la fois une formation classique capable de faire de musique ample, classique, et puis qu'il connaisse bien les machines pour faire de la musique électronique, nous semblait une bonne idée. Il s'est prêté au jeu de façon exceptionnelle. On est allé le voir et il a sorti, moi je trouve, une BO vraiment extrêmement belle. Comme Phoenix et Coppola, quoi. Ouais, alors je sais pas, espérons que les prochains films de Valérie seront aussi exceptionnels. Mais vraiment, voilà, le travail qu'il a fait était dingue. D'écoute, parce que c'est pas simple de travailler à la musique d'un film. Il faut un mélange d'humilité et de talent. Enfin, et donc du coup, parfois les musiciens sont des gens très autonomes sur leur musique. Et là, il a été capable de s'adapter au désir du film, enfin aux besoins du film. On entend le dialogue, quoi. Je veux dire, il couvre pas tout. Ouais. Non, mais voilà. Des questions techniques. Hein, je pose des questions techniques. De Marguerite et Julien, avec Jérémy Elkaïm qui est notre invité. Et à vos côtés, il y a Samir Bouadi qui nous parle de sport d'une certaine manière. Ben oui, Jérémy, parce que c'est reparti. On en parlait tout à l'heure, il est passionné de ça, Jérémy. Hein, l'affaire de la sextette de Mathieu Valbuena est à nouveau allègrement commentée, détaillée. Elle est au centre du feu des rédactions. Ben, c'est vrai que ces deux dernières semaines, il ne s'est rien passé de vraiment important en France, hein, c'est sûr. Hein, rien de digne d'intérêt. Alors, ben, mu par un zèle louable et habité par la conviction que le journalisme s'est avant tout donné à voir, se cacher derrière l'événement, tenter de le livrer comme un corps nu avant le festin du subjectif, ça ne veut rien dire ça, mais je m'en fous. La rédaction du Monde a décidé de donner la parole à Mathieu Valbuena. Ah la vache ! Il revient donc sur ses échanges téléphoniques avec Benzema et on y apprend aussi, et là ça fait waouh, que Samir Nasri, l'ancien futur très grand joueur devenu pari en équipe de France, était au courant de la tentative d'extorsion de fonds en échange de la non-diffusion d'une sextape où Valbuena faisait tendrement l'amour à sa compagne tout en filmant d'une main. Tendrement, vous avez vu, vous ? Non, je ne l'ai pas vu. Si l'interprétation. Si, tandis, j'ai essayé, moi, pour reconstituer le truc. Alors, c'est très compliqué. Hein. L'image bouge beaucoup. On n'est plus du tout concentré sur l'acte lui-même parce qu'on est tenté de calmer, si vous voulez, ses ardeurs au profit d'un cadrage plus propre. Enfin, je parle de moi parce que vous savez peut-être pas, moi au lit, je suis un sacré dingo. Hein. Enfin, ceci dit, on perd en réalisme, ce qui n'est pas inintéressant d'un point de vue esthétique, mais ça renvoie quand même à un certain cinéma expérimental. Comment dire, chiant. Ben, Alex me disait d'ailleurs tout à l'heure, moi avec ma perche à selfie, je fais des trucs vachement plus nets et ça n'a rien à voir avec le côté expérimental chiant. Voilà. Enfin bon, le problème n'est pas là, c'est une autre histoire. Pour en revenir donc au très sérieux journal Le Monde, qui tient là le scoop du siècle, hein. Non, parce qu'il faut quand même appeler une chatte, hein. L'histoire ne dit pas si c'est le journaliste qui a réussi à un sacré truc, hein, ou si c'est l'agent de Valbuena qui a convaincu son poulain de prendre la parole. On l'imagine, l'agent, hein, en train d'appeler le joueur, le cigare entre les dents, les pieds sur le bureau. Salut Coco. Comment tu vas, mon grand? Bah oui, c'est à toi que je veux parler. Pourquoi? Ah non, mais bon, écoute, bon, il se passe rien en ce moment dans l'actu, donc on va en profiter pour faire parler un peu de toi. Hein. Je pense que c'est le moment, hein. Vraiment, c'est le moment. Les gens s'emmerdent, tu vois, ils ont besoin de rire, enfin de rêver, je veux dire. Et puis, il faut booster ta com, Coco. Là, en ce moment, t'as le vent en poupe, t'es une victime, quoi, t'as eu mal, tu t'es senti trahi, hein. T'as le droit de faire chialer dans les chaumières, hein. Une chaumière, c'est une maison, on s'en fout. La petite Caïra de Benzema, c'est bon, son cas est réglé. Normalement, l'équipe de France est foutue pour lui, alors donc on va enfoncer le clou. Tu balances. Tu dis que t'es dégoûté, qu'on t'a manqué de respect. Emploie bien le mot respect, hein. C'est bon pour les sponsors, le mot respect. Ben voilà, vous l'aurez compris, Le Monde vient de faire un truc énorme. Toutes les rédactions sont jalouses. On imagine la tronche de la plupart des rédacteurs en chef de France et de Navarre, surtout de France d'ailleurs, hein. Les gars, on imagine le rédacteur en chef. Les gars, non mais personne n'a eu l'idée de parler à Valbuena. Mais pourquoi? Mais zut alors. Mais vous êtes des incapables. Le truc était là, sous notre nez. Mais vous êtes mal payés. Pourquoi, sans déconner? Je vous rappelle qu'on est là pour livrer le réel. On est des facteurs du factuel, des passeurs, des coursiers d'heures. Enfin, voilà ce que vous avez compris, quoi, bande de truffes. Prenez exemple sur le type du Monde. Ça, c'est du journalisme, bordel. Alors, quelle leçon, chers amis, tirer de tout cela? D'abord que John Cazavette a eu une influence absolument catastrophique sur les jeunes réalisateurs footballeurs en assujettissant le cadre à l'action, réduisant ainsi à néant toutes les réussites visuelles de Max Pécasse, qui a proposé magistralement le contraire, notamment dans son chef-d'œuvre On se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Autre leçon à tirer de cette histoire, il vaut mieux parfois être un couple de cinéma qu'un couple au cinéma, même si certains sont magnifiquement les deux. Merci Samir Bouadi pour cette histoire de tir cadré, si j'ai bien compris. Absolument. Hein, si je dois résumer la substantifique moelle de ce que vous venez d'énoncer. Tout à fait, c'est ça. Ça doit être ça. Bravo. C'est un titre pour Libération, ça. Vous êtes sur France Charline. Inter, avec Hippolyte Girardot, Mélanie Bauer, Samir Bouadi, Alex Vizorek et notre invité Jérémy El-Khaïm. On va aborder le deuxième sujet, qui a un lien certain avec le film que vous venez nous présenter. Mm-hmm. Un nom aristocratique, cela fait vendre, paraît-il. C'est un dossier dans Marianne cette semaine. La touche Aristo continue de faire rêver, de Inès de la Fressange à la comtesse du Barry, qui là est du pâté. Hein. Oui. Nous, on adore les Aristos, surtout parce qu'on aime se moquer de ce côté un petit peu vermoulu de la République. Hello les amis! Beaucoup d'entre vous me demandent s'ils peuvent péter dans un palace. Ils redoutent le bruit, l'odeur et même le petit inconvénient qui consiste à chier carrément dans sa culotte quand on mesure mal les conséquences d'une poussée trop franche. Je vous rassure tout de suite. Oui, on peut péter dans un palace. C'est même une distraction extrêmement prisée, à condition bien sûr de respecter les règles les plus élémentaires du savoir-vivre. Il faut agir au grand jour, sans se cacher, avec panache. Valérie Le Mercier, avec laquelle vous avez tourné, Jérémy. Merveilleuse. Merveilleuse quand elle parle de paix. Ça. Et d'amour. Ça, c'est Palace, donc. C'est un article dans Marianne. Alors, je voulais le sous-titre qui est quand même croquignolesque. J'aime beaucoup ce mot. Notre République vermoulue n'en finit pas d'expier son passé régicide et de trahir son inconscient féodal. Ah, oh, dites-moi. Alors, j'ai pensé à vos personnages, Marguerite et Julien, parce que ça se passe dans l'aristocratie. Où il y a aussi un mythe de l'entre-soi. Et là, je me suis dit, là, quand même, Marguerite et Julien, l'histoire d'inceste, c'est finalement l'entre-soi poussé un peu plus loin que ce que fait l'aristocratie. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a dans le film une scène où on vient demander auprès du roi la grâce pour Marguerite et Julien. Et il dit, en fait, que c'est pas possible. Il dit que c'est pas possible pour une raison toute simple, c'est que lui-même, étant dans un vaste bordel permanent, il ne peut pas donner sa grâce. Qu'est-ce qu'on pensera de lui et de sa cour s'il offre sa grâce à Marguerite et Julien qui s'aiment? Et en fait, ce que ça dit par voie de conséquence, enfin, c'est que il y a effectivement, nous ne sommes pas tous égalitaires face à des pratiques un peu étranges et que dans l'histoire, de façon générale, je pense que les sociétés dans lesquelles on vit sont plutôt inégalitaires, hein, c'est bien triste, mais il se trouve que c'est vrai. Et que c'est un truc, en tout cas, là, en l'occurrence, qui était vrai, je pense, à l'époque et qui continue de l'être, qu'il y a deux poids, deux mesures, je pense, sur ce qu'on s'autorise à faire ou pas. Et, alors, pour ce qui est d'aujourd'hui, évidemment que ça paraît se démocratiser plus, que les mœurs paraissent un peu plus légères. Évidemment que la question de l'inceste continue d'être tabou et que le film ne cherche absolument pas ni à provoquer sur cette question-là, ni à faire l'apologie de quoi que ce soit. Mais... Ah, mais si, mais je croyais. Non, c'était pas ça. On a envie de les encourager à l'inceste dans le film. C'est vrai. On s'attache à eux très très fort. Mais oui, bien sûr. Parce que les contradicteurs, on y croit. On s'attache à eux parce que précisément ceux qui sont contre eux ne sont pas caricaturaux, je pense. Vous allez avoir beaucoup de courriers après la sortie du film. Merci, ça nous a aidé. Si vous voulez, la meilleure solution, c'est d'aller le voir pour vous faire un avis. Deux fois. Quel regard vous portez sur l'aristocratie à la française? Je me disais, il y a des anachronismes voulus dans le film. Et finalement, est-ce que c'est pas l'aristocratie aujourd'hui qui est anachronique? Donc finalement, vous rendez l'appareil. Oui, alors c'est vrai, c'est drôle. Je vais me permettre, du coup, je vais donner le sentiment que je me la raconte un peu comme un peu avec France Culture. Je suis allé voir la pièce de Joël Pomerac. Qui dure 4h20, qui s'appelle Ça ira, fin de Louis. Ouais. Et donc, effectivement, c'est la naissance de l'Assemblée nationale et donc de la fin du tiers-État qui parle avec la noblesse. Mmh. Et donc, il y a toutes ces questions-là. Et on rend compte, en fait, qu'elles sont, malgré tout, une des bizarreries et une des choses qui est extrêmement réussie dans cette pièce qui est complètement immersive et tout ça, c'est de se rendre compte que c'est très actuel. En fait, il y a une contemporanéité. Oui. Ça marche, ça? Ouais, c'est bon? Presque du premier coup. D'ailleurs, la mise en scène est contemporaine. Hein. Je crois qu'ils sont tous habillés en costume. Oui, ils sont tous habillés en costume. Et donc, il y a en tout cas ce truc-là. Je trouve que c'est plus d'actualité qu'on ne le croit. L'idée de Marguerite et Julien, c'était de faire un film qui soit malgré tout dans son temps. Les anachronismes, ils ont cette... sans prétention, il y avait le désir de faire quelque chose d'universel, de raconter qu'au fond, les enjeux qui traversent d'amour, d'impossibilité dans la société dans laquelle on est, au fond, continuent d'être les mêmes. Mais effectivement, il est bien ancré dans son époque. Que Marguerite et Julien de Valérie Donzelli. Hippolyte Girardot. Oui. C'est votre moment, c'est votre instant. C'est mon moment. Okay. Non, parce que je trouvais ça intéressant le truc sur l'aristocratie et sur l'idée qu'on a encore du mal aujourd'hui en France, en 2015, de se débarrasser de cette idée comme une grande culpabilité qui reste d'avoir laissé. D'avoir coupé la tête à la royauté. C'est tout à fait étonnant, c'est vraiment psychanalytique. C'est pas réglé cette affaire, ça continue de nous hanter d'une certaine la façon. La preuve, c'en était et moi, un pas sujet. Du tout, en fait. Non, mais moi, je suis un bon soldat, voilà. Et c'est vrai qu'il faut sortir, faut aller voir Pomerat, voir votre film. Faut sortir, faut pas rester tanké, paranoïaque chez soi, c'est une très mauvaise idée. Donc l'autre jour, avec ma copine Carlotta, on décide d'aller au théâtre. Et dans le hall, il y a un type qui s'approche de moi, la quarantaine un peu lourde, et je sais de quoi je parle, je suis passé par là, il me regarde mais assez près, vous voyez, assez près comme si on se connaissait. Il me regarde et il me dit, vous êtes... Je lui réponds pas, je me dis merde, débrouille-toi, google tes souvenirs, remets-moi, je m'en fous. Alors il se met à baisser la tête, à se frotter les cheveux, je sens le truc qui va un peu durer. Bon alors moi aussi je baisse la tête comme si moi aussi je cherchais, et ça me fait penser à la scène du câlin, ça c'est pour une autre chronique. Bon enfin bref, donc on était là tous les deux, tête baissée, Carlotta s'impatiente, genre dis-lui ton nom, on va s'asseoir, mais moi j'ai ma fierté, voilà, je vais pas l'aider le mec, merde. Parce qu'au fond, j'étais emmerdé. En général, quand un mec cherche comme ça, quand il trouve, c'est jamais moi. Ouais, c'est jamais moi. Et donc, moi, est-ce que j'aurais le courage de lui dire que non, je n'étais pas Jean-Louis Donglade? Pas sûr. Surtout avec Carlotta qui me pinçait le tendon du triceps brachial, ça fait super mal. Mais bon, je veux dire, moi, je suis sûr que je ne suis pas Jean-Louis Donglade. Des tas de gens savent que je ne suis pas Jean-Louis Donglade. Même Jean-Louis Donglade sait que je ne suis pas lui. C'est dire. Mais est-ce que j'allais avoir le courage de décevoir le mec? Ce serait même proprement dégueulasse, à mon avis. Parce que la déception, c'est un sentiment qui vous colle à la peau. Comme du miel qui enduirait la boule de billard qui est devenue votre vie, au point de plus retrouver les trous pour y mettre les doigts. Mais ça aussi, les doigts dans le trou plein de neige, c'est pour une autre chronique. En fait, la question pour moi, c'était de me dire jusqu'où j'étais prêt à accepter d'être quelqu'un d'autre. Après tout, c'est mon boulot d'être quelqu'un d'autre en général. Oui, mais jusqu'à quel point? C'est l'histoire de la femme interprétée par Mia Farrow qu'on prend pour une putain parce qu'elle s'est réfugiée dans un bordel. Elle se défend de l'être jusqu'à un certain point. Oui, ce point dans son cas à elle, c'est l'épaisseur de l'alias de dollars que John Cusack pose sur la table. À partir d'un certain nombre de centimètres, on couche. Voilà. Ça aussi, c'est pour une autre chronique. Enfin bref. Je veux bien dire, ok, je suis Anglade ou Lambert, par gentillesse évidemment, mais il y a une limite. J'en étais là quand j'ai baissé la tête et j'ai vu les chaussures du mec. Des sortes de tongs à scratch, des sandales en caoutchouc qui sont aux sandalettes romaines ce qu'un tank est à une trottinette, avec des chaussettes rayées rouges et gris. Et là, j'ai eu peur. Voilà, c'est ça la parano. C'est irrationnel. Le concept de cette sandale me glace le sang. J'ai l'impression d'être John Lennon devant le Dakota. Là, je suis prêt à tout, à dire oui, je suis Jean-Pierre Marielle, comment vous avez deviné son nom? Carlotta me voit pas lire, elle revient, elle me dit Antoine, viens, on y va là. Comme elle me pinçait l'extenseur digital, je l'ai suivi. J'ai entendu le type dire à sa femme, c'est de Cône. T'as vu? C'est de Cône. Ouais, ok, je suis de Cône. Bref, on est parti s'asseoir, on s'est assis dans la salle, et là, l'acteur est arrivé. Eh ben, il était en croc et en soquette bleue. Magnifique. Hippolyte Girardot. C'est vrai qu'on vous confond de temps en temps avec Antoine de Caunes. Oh ben, moi, j'en ai plein avec qui on me confond. C'est pas formidable. Vrai. Mais oui, ça vous arrive formidable. Tout le temps. Mais c'est formidable. Plus on avance dans l'âge, plus on a. C'est génial. C'est absolument génial. Et alors, il faut absolument faire... Comme Depardieu dans le film de qui est passé à Cannes avec Isabelle Huppert, il signe, on lui dit ouais, vous êtes De Niro, il signe De Niro, ils sont fous. Il faut faire comme ça, voilà. Et vous, Jérémy Elkaïm, est-ce que les gens vous confondent ou disent tiens, je vous ai vu quelque part? Il y a exactement, voilà, moi je suis l'étape avant Hippolyte, oui. Ça viendra. Non, mais je suis encore l'étape avant, mais on s'est vu à la boucherie ou pas? je suis certain de vous avoir déjà croisé ou quoi? Je dis oui. Bah écoutez, voilà. Je suis charcutier. Il faut dire oui. Oui. Non, mais moi je dis toujours oui. Moi aussi. Samir Boidi, ça vous arrive aussi ou pas? Oui, ça m'arrive très régulièrement. Il y a un petit côté Gérard Darmon. Ouais. Sinon, moi, des fois, on parle plutôt de foot ou de conneries comme ça, et moi, je dis non. Je dis c'est pas moi. Parce qu'en général, j'ai dit une connerie et ça s'est mis en bagarre si j'avoue, tu vois, donc je préfère me taire. D'accord, voilà. Ça vous exonère. Voilà, Mélanie Bauer, dans votre famille Moi, je fais de la radio. Oui, on s'en fout de... Je sais jamais qu'on comprend la personne. Déjà entendu quelque part. Oui. Une fois, ça m'est arrivé, quelqu'un qui a reconnu ma voix dans le train. Évidemment. Truc de fou. Et je parlais avec mon enfant, tranquillement, et le monsieur me dit, mais vous êtes Mélanie Bauer, j'ai reconnu votre voix. Et c'était Guillaume Meurice. Et qu'on retrouve lundi. Mais lui, il est là, il vient d'entrer dans le studio, Alex Vizorek. Bien, lui, on le confond souvent avec une personne du sexe opposé, car souvent les gens nous disent mais pourquoi cette chanteuse dit des horreurs? Et alors qu'il s'agit d'un chanteur, c'est Frédéric Fromet. Bonjour. Bonsoir. Et qu'est-ce que vous allez nous chanter cette semaine? Si je n'étais pas chanteur, je prendrais une arme et j'irais combattre Daesh. Ainsi parlait Johnny. Exact. Les papis de son âge vont à la pêche. Voilà que notre Johnny fait trembler Daesh. Alors que les grands-pères de son âge jouent au Scrabble, Johnny s'en va en guerre. Ah que qu'est-ce que là ma gueule. Johnny, reste tranquille, on va changer tes piles. Je vais avoir plein d'amis chez les fans de Johnny. Johnny et son blouson noir contre le djihad. Johnny m'attend les barbares à coups de Santiago. Johnny et sa moto écrasant les fous de Dieu. À moins que ce ne soit eux qui chantent allumer le vieux. Johnny, t'es balèze. Mais pense à tes prothèses. Johnny rendu malade par ce 13 novembre tragique. Pourquoi des kamikazes le jour de sortie de son disque? Johnny qui chante l'amour et qui voudrait faire la guerre. Oh Marie, si tu savais, j'ai dû annuler un concert. Johnny, t'as pas de peau. Comme avec les impôts. T'étais pas chanteur, je vois déjà les terroristes. Passant un sale quart d'heure, tu leur apprendrais le twist. Tu pourrais leur montrer un autre usage du plastique. C'est pas que pour les bombes, pour les hanches, c'est pratique. Johnny, fais pas le fou, a dit le docteur de la joue. Toi qui as chanté ce tube pour Gabriel, as-tu seulement pensé à chanter pour Diesel? Un chien et une gratte en réponse aux attentats, les deux combinés dans une pédale wah-wah. Johnny, fais pas le con, on veut du rock, on veut du son. Johnny, mon cœur saigne. On sait farci Nolwenn. Merci. merci Frédéric Fromet. Frédéric Fromet, qui a pensé à actualiser sa chanson avec les événements. Évidemment. Eh ben oui. Jérémy Elkaïm, qu'est-ce qui vous fait du bien d'entendre quand, je sais pas si, quand en tant que féru de musique. Ouais, surtout en ces, voilà, en ces circonstances, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous. En particulier. Qui vous console ou qui... Moi, en ce moment, il y a un morceau que j'écoute, que j'aime, mais qui est un morceau d'un vieil album de Vampire Weekend qui s'appelle Step. Que je ne saurais trop conseiller à tout le monde. Ah ben voilà, c'est dit. Plein de mélancolie. C'est bien ça, Mélanie. Vampire Weekend, c'est super. C'est le grand groupe, retour. Oui, c'est un groupe de New Yorkais. Ils étaient ensemble à la fac, genre à la NYU, je sais pas quoi. Ils faisaient des études de musique. Et puis, c'est un peu les normal guys, quoi. Qui, ils sont mis à faire de la musique, ça a cartonné. Jérémy Elkaïm est un homme de goût. Donc. Voilà. Moi, j'écoute Nicolas Perrac. Par rapport à vous, tout le monde est pointu. Oh non, tout le monde n'écoute pas France Culture. Et on a suivi aussi la bande original du film que Mélanie aimait, Marguerite et Julien, film de Valérie Donzelli avec Anaïs de Moustier et Jérémy Elkaïm. Et si vous aimez la patte Donzelli et la patte Jérémy Elkaïm aussi pour le scénario, bah écoutez, vous serez comblés. Ça sera en salle mercredi prochain. Merci à toute notre équipe, évidemment Claire-Sophie Collet, Nathalie Romero, Benjamin Riquet à la réalisation. Merci à toute l'équipe, à Djoubaka, notre programmateur musical. Le féminisme, il est passé à la trappe. Hein. Oui, ouais. Écoutez, c'est pas grave. On a dit des choses bien le plus intéressantes. Mais qui passe à la trappe, si, c'est grave. Oula, on en reparlera. Il est fort. Allez, est fort. Le mot de la fin à la Dream Team du gouvernement, au trio Valls-Cazeneuve, Le Drian. Trois lames flexibles qui s'adaptent de façon unique à tous les contours pour un confort optimal, sous tous les angles.